Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Joseline. Elle nous apporte son témoignage de l'épuisement appelé plus communément burn-out, dont elle a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Joseline, merci de nous recevoir chez toi à Basse-Rue en pleine campagne avec la rivière à côté, de jolis nénuphars et une petite source. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis Joseline. J'habite donc dans un endroit merveilleux. J'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Et parce que moi-même, j'ai vécu un moment donné de ma vie, un épuisement professionnel. Et que cet épuisement, en fait, m'a emmenée à la rencontre de qui je suis vraiment. Voilà, je te remercie. Donc, la première question que nous allons te poser, ça va être comment ça s'est passé le premier jour ? En fait, ce qui a tout déclenché, c'est que j'ai fait une insuffisance respiratoire. Et j'étais avec mes vaches et mon chien dans le troupeau. Et en fait, je ne pouvais plus bouger. J'avais eu quelques alertes auparavant et j'avais été prévenue. Mais je ne pouvais pas l'entendre, il y avait le travail qui était là et c'était trop difficile pour moi de prendre la décision à ce moment-là. Mais quand je me suis trouvée face à, quelque part, un peu la mort, parce que je ne savais pas, j'ai eu beaucoup tellement de mal à revenir au niveau de respiratoire, qu'il y a eu un déclic qui s'est passé dans ma tête et je ne savais pas comment sortir de là. Voilà, parce que la première chose aussi qui serait intéressante, c'était quel était ton métier à l'époque ? J'étais agricultrice sur une ferme avec des vaches laitières et des céréales. Et donc, aussi ce qui est intéressant, c'est de savoir il y a combien de temps ? Eh bien, il y a maintenant 16 ans. 16 ans et il m'a fallu un certain temps pour me remettre de tout ça. J'étais complètement perdue. En fait, j'ai quitté l'exploitation, la famille, de façon tragique. Alors justement, là, la question qu'on aimerait te poser, c'est comment a réagi l'entourage privé ? Eh bien, très mal, en fait. Parce que moi, je cherchais des solutions pour essayer de trouver... Comment gérer tout ça et c'est assez impressionnant comment la vie tout se met tout n'a plus de sens en fait, c'était assez incroyable, tout n'avait plus de sens et je ne savais même plus m'exprimer avec mon cœur tellement j'étais mal, je ne savais pas comment me sortir de la situation, j'avais pas envie que ça se passe dans la souffrance, dans la douleur et tout ça. Et l'entourage a très mal pris. En fait, j'ai dû partir pour un rendez-vous et je ne suis pas revenue pour des raisons qui étaient dramatiques pour moi, qui mettaient ma vie en danger. Et du coup, l'entourage n'a pas compris, surtout mes filles n'ont pas compris que je parte comme ça. Et je ne pouvais plus revenir, en fait. Parce qu'il y avait aussi un entourage professionnel. Comment cet entourage professionnel a réagi ? Eh bien, obligée de se débrouiller seule. Et moi, je m'occupais de tout ce qui était comptabilité, gestion de l'entreprise, en plus de traire de m'occuper des vaches, des petits veaux... des aliments, enfin, c'était tellement dense En fait, j'avais des responsabilités aussi à l'extérieur de l'exploitation, des responsabilités professionnelles. Et j'ai tout lâché d'un coup, en fait. Et je suis partie loin aussi. Et en fait, j'ai dû à ce moment-là, parce que je suis partie aussi sans argent, avec un sac, pensant revenir. Et du coup, j'ai accepté à ce moment-là de ne plus jamais être agricultrice en acceptant une petite subvention, si on peut dire, de 3000 euros pour m'extraire de tout ça. C'est assez fou, mais c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc ça a été une difficulté par rapport à l'entourage privé qui travaillait avec toi ou bien, oui, qui travaillait avec toi ? Oui, qui travaillait avec moi. En fait, on travaillait en couple, on était en ERL. Donc c'était compliqué. Ce qui se passait, c'est que moi j'avais pris conscience de certaines choses avec les animaux, l'environnement, et en fait je ne pouvais plus demander à mes animaux ce que je leur demandais parce que j'avais compris des choses en fait. Moi j'étais très connectée à mes animaux, j'allais la nuit passer du temps avec elle, et puis je fermais les yeux, j'étais avec elle, et en fait les vaches, on était reliées, j'avais des questions, je leur posais, et puis j'avais les réponses à mes questions. J'étais tellement reliée à mes vaches que je ne pouvais plus leur demander de produire du lait, quoi. C'était plus possible. Ça a fait je ne sais pas moi, ça s'est déclenché. Ouais, je ne pouvais plus, quoi. Oui, une certaine implosion. Oui, c'est complètement ça, une implosion incontrôlable. Incontrôlable. Ah oui, oui. C'est ça. Oui. Tout à fait physiquement en plus, parce que physiquement, les mots physiques étaient quand même violents. Les mots physiques étaient violents. Bon, là, je vous ai parlé de l'insuffisance respiratoire, mais j'avais aussi une hernie discale. J'ai été alitée, je faisais une sciatique invalidante, j'étais alitée 2 mois, je ne pouvais plus porter après. J'ai eu tout s'est enchaîné. Après, j'ai eu une opération. Et puis une autre était prévue et je me suis soignée avec les plantes. Et vous voyez, c'est pareil, je me soignais avec mes plantes, mais je faisais ça en catimini, comme les enseignements indirectement imprégnés en moi. Je n'osais pas dire que j'avais ci, que j'avais ça. Et du coup, je me soignais toute seule. Et quand je suis partie, mes filles me disent « Mais maman, c'est vrai, je te voyais faire ça, mais j'avais pas compris. » En fait, j'avais caché aussi tout ça. Un sentiment... culpabilité. Ah, culpabilité, c'est sûr. Et puis beaucoup d'incompréhension autour. Et moi, j'ai lu à ce moment-là le livre « Les accords Toltec » qui m'ont montré une autre dimension et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ce qu'on est en train de vivre, quoi. Ça colle pas. Ça colle pas. Et tout ça, c'était comme un puzzle qui s'assemblait et puis que je pouvais plus dénouer, quoi. C'était plus possible, quoi. Oui, avec des réflexions, je pense, relativement choquantes de la part de l'entourage. Ah, bah oui, c'est violent même, oui, bien sûr. Mis dehors de la famille, enfin, des choses comme ça. Complètement écarté de tout le monde, quoi. Complètement. Ouais. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai été 7 ans sans voir mes filles, ou les voir que 2-3 fois dans ces 7 ans. Et ça, c'est pour une mère, c'est vraiment difficile à vivre. J'ai encore de l'émotion. Oui. Nous allons faire une petite pause musicale avec la pianiste belge Auriel. La chanson s'intitule « Alléluia ». Thank you. Nous vous retrouvons après cette pause musicale. Vous nous avez parlé de troubles physiques. Dans les troubles physiques, nous, au sein de l'association, on a une petite brochure où on les explique un petit peu. Dans les douleurs abdominales, musculaires, articulations, ulcères, troubles gastro-intestinaux, troubles alimentaires, réduction des défenses immunitaires, des changements qui sont dus au stress. Comment vous les avez vécus, vous ? Comment je les ai vécues? J'étais suivie par une homéopathe qui m'aidait vraiment bien dans tout ça. J'ai bien sûr eu des... je vous ai dit, j'avais une hernie discale. Suite à ça, j'ai eu des problèmes de fibromyalgie. Voilà. Cette maladie, la fibromyalgie, j'ai eu ça après aussi. C'est suite à tout ça, en fait, que c'est développé. En fait, moi, j'ai physiquement, là, je vous ai décrit ce que j'ai ressenti. Dans mon corps, c'était la révolution, en fait. Oui, j'ai eu des troubles du comportement dans le sens où j'adorais les noix. Et des fois, je me suis surprise à manger plein de noix, quoi. J'ai pas eu d'addiction particulière. Mais un mal-être profond et oui, c'est vrai, beaucoup de culpabilité de quitter cette situation, oui. Comme ça. Ça, c'était vraiment le plus difficile pour moi. Mais dans le corps, là, on va commencer par ce qui était physique. Vous avez donc eu des problèmes musculo-squelettiques, oui. Donc par rapport à... Oui, oui c'est ça. À ça. Et puis, au départ, vous nous avez parlé d'une insuffisance respiratoire. Oui, d'une insuffisance respiratoire. En fait... Ça s'est venu progressivement. Je me suis mis à faire de l'asthme, tout ça, alors que j'avais pas un terrain. En fait, c'est venu au cours, tout ça. Je me suis mis à faire de l'asthme et puis cette insuffisance respiratoire. J'avais été prévenue quand j'avais été faire la visite professionnelle, en fait. Et je me souviens, à l'hôpital, elle m'avait dit, mais si vous continuez, c'est vous qu'on va voir dans les lits, là, bientôt. Mais je ne savais pas comment faire pour quitter la ferme, voilà. Et ces troubles étaient aussi dus, je faisais la farine pour les animaux, le foin et tout ça. Donc j'étais exposée à ça, en fait. Donc physiquement, par rapport à tout ce qui était, les troubles alimentaires, nourriture, troubles du sommeil. Alors, troubles du sommeil, c'est sûr. Moi, ce qui me sauvait, entre parenthèses, c'était que j'écrivais. Et en fait, c'était une psychothérapie pour moi, l'écriture. Je me levais la nuit, le jour. Je laissais le flot débiter. Je ne m'occupais pas de l'orthographe, de tout ça, mais je laissais le flot débiter. Et c'est ce qui m'a permis de tenir, en fait, tout ce temps, quoi. Ça a été vraiment ma source de guérison, l'écriture, quoi. Mais les troubles du sommeil, vous dormiez à peu près combien d'heures par nuit et combien de temps vous avez mis pour retrouver votre sommeil ? Pour retrouver le sommeil, des années. J'avais des troubles de sommeil, oui, la nuit, c'était tous les jours, enfin toutes les nuits, quoi. C'était, et puis bon, on se levait tôt le matin, les vaches à traire et tout ça. C'était un engrenage, en fait. Mais jusqu'à ce que l'homéopathe, à un moment donné, me dise « Mais là, je vous mets en cure de sommeil, quoi. » Parce que j'étais au bout, quoi. Et je me souviens, j'ai refusé la cure de sommeil, mais j'ai accepté d'être un mois à rester au lit, quoi. Et en fait, on croit qu'on ne peut pas dormir quand on a dormi la nuit et tout ça. Mais c'est faux, en fait. En fait, le fait de rester au lit progressivement m'a renforcée. Et du coup, après, c'était beaucoup plus doux. Ça m'a vraiment aidée, quoi. Oui, parce que quand on est sous pression, on développe beaucoup d'adrénaline et donc de cortisol, puisque l'adrénaline ne vient pas toute seule. Hein, elle est éphémère, l'adrénaline, mais c'est le cortisol qui arrive, le gros lourd, derrière. Et plus on fait de cortisol dans la journée, moins on dort la nuit, et puis moins on dort la nuit, puis on fait de cortisol dans la journée, moins on dort la nuit, en fait c'est un cercle vicieux. Et la mélatonine est quasiment inexistante en finale. Donc effectivement, les troubles du sommeil, c'est quelque chose, je pense, de récurrent pour tout le monde, et très long à rétablir. Ah oui, oui, complètement. Je pourrais dire des années, oui, des années. Je ne sais pas, moi, mais... En tout cas, j'ai été 7 ans. Moi, je dis souvent, j'ai eu 7 ans. Il m'a fallu 7 ans pour m'en remettre de ce burn-out. Parce que j'ai quitté la famille, j'ai quitté la ferme. Moi, j'adorais mon métier. Et en fait, j'ai quitté pour survivre. Et après, j'ai eu la chance. La vie, elle est particulièrement... subtile, quoi, parce qu'elle m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a accompagnée et qui avec qui j'ai compris beaucoup de choses et qui m'a aussi renvoyée dans des espaces douloureux à accueillir. Mais c'était fort, et malheureusement après c'est moi qui l'ai accompagnée à partir. Mais et c'est dans ces 7 années que j'ai vécu avec lui que tout ça s'est cicatrisé progressivement, quoi. Et voilà, et c'est au sortir de tout ça... Oui. Oh. J'ai eu encore plus de conscience, en fait. Encore plus de conscience. Et du coup, j'ai entamé un chemin de guérison pour moi. Oui. Parce qu'il y a aussi les changements dans la motivation, donc je parle sitôt après, la baisse de motivation professionnelle et les doutes sur ses propres compétences. Donc comment vous avez vécu ça? Alors en fait, j'étais agricultrice, associée d'exploitation agricole. Et par contre, quand je suis sortie de tout ça, je suis allée voir un lycée pour proposer l'enseignement par rapport à mon parcours et tout ça. Et le directeur, il me dit, oui, mais c'est sûr, je pourrais vous prendre, sauf que je ne peux pas, parce que les diplômes des élèves que vous allez avoir sont plus hauts que ceux que vous avez réellement sur le papier. Et ça, c'était difficile à entendre, quoi. Alors du coup, j'ai repris les études. Et j'ai fait un BTS en conduite de gestion d'exploitation et un BTS en gestion forestière. En fait, je ne suis jamais retournée dans un lycée, mais en tout cas, pour moi, c'était la validation de tout ce parcours de vie, quoi. Et ça, c'était un réconfort, quelque part. Et après, après, la vie m'a amenée, du coup, à accueillir le décès de mon époux, qui était devenu mon époux. Et de faire le chemin vers moi en touchant différentes choses, quoi. Je suis allée faire de la permaculture parce que c'était tellement relié, la permaculture humaine, parce que justement ça a amené l'humain dans la nature, ça reliait l'ensemble. Et puis après j'ai découvert Armel Six, qui est une enseignante qui nous amène vraiment à aller vivre de l'intérieur tout ce parcours, toutes ces émotions, tout ce qu'on n'a pas durant ce parcours osé accueillir, où on n'était pas prêt. Et j'ai fait tout ce chemin avec elle, et du coup j'ai décidé de me former avec elle oui. pour accompagner à mon tour. Oui. Avant de parler du après, on va déjà écouter et faire une petite pause musicale avec Terre et Racine de Auriel. Nous vous retrouvons et nous allons parler vraiment de ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est très important de témoigner justement pour que des personnes qui sont dans ces situations comprennent en un qu'on peut se trouver victime de ce genre de traumatisme, on peut appeler ça un traumatisme, et puis en même temps sortir de ce traumatisme. Mais dans le moment traumatique, il y a des changements de comportement, il y a des fois des replis sur soi, des attitudes impersonnelles, détachées, négatives, cyniques, des comportements agressifs aussi, où on ne se reconnaît plus. Il y a des personnes, moi, que je croise, qui me disent « mais telle personne, mais jamais on l'a vue comme ça, quoi. Elle n'a jamais fonctionné comme ça », ou des comportements addictifs. Est-ce que vous avez souffert de ce genre de comportement? Ben, moi, je pourrais dire que c'est le repli sur soi. Hein. Ça a été plus ça. En plus, je comprenais plus mes filles qui répondaient pas à mes appels, ou je comprenais plus. Donc, à un moment donné, je me suis éteinte de nouveau, en fait, d'une certaine façon. Mais c'était différent. C'était différent parce que, en fait, je sentais que la vie revenait. Et du coup, j'ai eu envie de lui laisser la place. Ça a été plus fort que ça. Ça a été plus fort que tout le reste. Et en fait, ces troubles se sont aussi, dissipés parce que cette force intérieure était là et je lui ai laissé la place, quoi. Oui, parce que le repli sur soi, c'est aussi une reconcentration de notre énergie qui ouvre effectivement sur quelque chose qui permet de, un moment peut-être, de survivre et après de revivre. C'est surtout ça, je pense. Oui, c'est ça. Et de rebondir. Et de rebondir. Il y a des troubles cognitifs que des personnes ont quelquefois, mais qui sont souvent récurrentes pour beaucoup. Des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, de la concentration. Alors, moi, je ne peux pas vraiment dire qu'à ce niveau-là, j'étais... C'est pas tellement ça. Je ne peux pas dire que j'ai eu ces troubles-là. J'étais fatiguée, exténuée, mais ça n'a pas été jusqu'à... En tout cas, ça ne m'a pas frappée. Vous arriviez à lire, par exemple? J'arrivais à lire, oui. Oui, ça, j'ai gardé tout ça, c'est sûr. Ouais. Une petite question en aparté. Est-ce que vous étiez une fanade des écrans? Ah, pas du tout. Ah, voilà. Parce que là, je pense... Ah, pas que... du tout. Voilà. Ah non, pas du tout, du tout. Je pense que ça atténue ces symptômes. Le fait de ne pas être devant des écrans permet d'éviter des trop gros pertes de concentration, de mémoire et autres. Non, je pose la question parce que ça a un rapport avec ce que vous dites. Je comprends. Oui, non, je ne suis pas du tout une fan d'écran. Et puis, de toute façon, j'avais assez à faire sans ça. Ça ne m'attirait pas et en plus j'avais autre chose à faire, c'est sûr. C'était une question en aparté. Et en trouble psychique, il y a ce qu'on appelle une anxiété intense. Oui, ça c'est sûr, c'était permanent, ça c'est sûr. Permanent, des peurs qui surgissent, ne pas savoir comment les gérer. Oui, l'anxiété. Réveiller la nuit par ça aussi, hein, et c'est comme si quelque part il y a des moments où la reliance était si forte que sans être au courant, je vivais dans mon corps des difficultés, enfin des, mon corps réagissait à ce que vivaient mes filles. Je l'ai appris qu'après. Et donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais la reliance de la mère à la fille, en tout cas là, elle était touchée. Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de cette séparation, parce que pour moi, je quittais la ferme, je quittais mon mari parce que ça n'allait plus non plus, mais je ne quittais pas mes enfants, quoi. Ouais. Et ça, c'était... Et puis, en fait, j'ai rien pu maîtriser. Ah ouais. C'est ça, c'est un espèce de truc qui se met en route, là, et puis ça nous emmène. Oui, puis une anxiété qui nous envahit, en quelque sorte. Complètement. Oui, qui nous prend toute notre énergie. Oui, qui nous ramène tout le temps dans la difficulté. Oui, dans cette agitation anxieuse, il y a quelquefois des personnes qui ont ce qu'on appelle un débit de parole submergent. Par exemple, je rencontre, moi, des personnes épuisées, où pendant une heure, elles vont partir dans, je dirais, ce qu'on appelle la logorée, hein, c'est-à-dire blablabla, et puis sans même se rendre compte qu'elles sont vraiment mais parties, c'est un des symptômes. Oui, j'ai pas eu ça non plus. Voilà, bon, c'est ouais. intéressant de voir les différences. Ouais. Irritabilité. Non, pas vraiment, c'est pas mon tempérament, je pense que c'est ça. En fait, je vais pas me mettre en colère du tout. Donc, non, je pense pas. Ou peut-être réactive, ça a pu arriver, mais c'était pas symptomatique, on va dire. D'accord. Plus irritable envers soi-même ou bien Plus. Irrité envers soi-même. Rude, dur envers moi-même, ça c'est sûr. Ah oui. Pas du tout tendre avec moi. Et ça, c'est terrible, parce que... mais ça, c'est au fil du temps que j'ai compris. Hein. Mais c'est incroyable comment on est capable de se faire du mal. C'est assez impressionnant, quoi. Et on fait ça pour correspondre à quelque chose, ou pour rentrer dans un moule, ou pour... mais c'est assez impressionnant, quoi. On se, entre parenthèses, se torture. Hein. Oui, c'est vrai. Et une chute de l'estime de soi ? Comment vous vous sentiez au point de vue estime de vous-même? Alors, quand j'ai fait ces formations, après avoir fait mes BTS, ça m'a vraiment... Je me suis sentie... ça m'a fait du bien. C'est comme si j'avais posé quelque chose, voilà. Toutes ces années où j'ai beaucoup travaillé, c'était comme une reconnaissance. Donc, j'ai pas vraiment eu ça. C'était un bon médicament. Ah oui, complètement. Oui, et puis alors il y a ce qu'on appelle la réaction dépressive, ce qui n'est pas une dépression, mais qui est un état de tristesse, qui n'est pas franchement un état dépressif. Comment vous l'avez vécu, vous ? En fait, oui, j'étais triste, c'est sûr. Mais c'est surtout après, en fait. Cet état de tristesse, après il y a eu d'autres événements, il y a eu le deuil, mais cet état de tristesse, elle a été entretenue et accentuée par le deuil après. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en libérer, en fait. Il faut du temps pour ça. Parce que derrière la tristesse, il y a aussi de la colère. Comme je ne sais pas, je savais pas exprimer la colère, cette colère, elle avait besoin aussi d'être rencontrée. Cette colère, que ça se soit passé comme ça, quoi. Alors que c'était vraiment pas ce que j'aurais... j'aurais jamais imaginé une chose pareille. Donc, j'ai été rencontrée, tout ça, dans mon corps. Inviter mon corps à se bouger sur des musiques pour libérer tout ce qui était coincé, bien caché. J'ai fait tout ce parcours et je peux dire aujourd'hui que c'est justement parce que j'ai laissé mon corps faire le chemin aussi. Et pour moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que on a besoin, quand on a vécu des choses comme ça, de ne pas simplement l'intellectualiser, mais d'aller le rencontrer dans les traces que ça a laissées en soi, pour leur laisser la place, l'expression, leur laisser la place, l'expression qu'elles n'ont pas eue à ce moment-là, et ben la laisser maintenant pour que le corps progressivement il se libère, quoi. Et en fait ça c'était très étonnant, c'est que en fait ça me quittait, voilà, parce que je faisais ce chemin là. Oui, il y a des personnes qui sont aussi dans le désespoir, mais vraiment dans le désespoir violent. Est-ce que vous avez vécu ça? Alors j'ai eu une pensée En fait, un jour, je suis partie dans une forêt, un lac. J'ai été nue au pied sur la passerelle. Mais j'ai pas fait, quoi. Mais je suis quand même arrivée là, quoi. Oui, il faut quand même le dire, parce que chez les agriculteurs, il y en a un qui se suicide par jour. Hein. Bon, je suis d'accord qu'on a de la peine à penser qu'il y en a 300 qui se suicident par année, ce qui est le cas. Évidemment, sur une population, je ne sais pas, il y en a combien, 500 000 en France ou quelque chose. Moi non plus, je ne saurais pas dire, mais un nombre suffisant pour que 300 passent inaperçus. Seulement, c'est le burn-out, c'est un traumatisme qui est extrêmement présent dans le domaine de l'agriculture. C'est vraiment énormément Et beaucoup passent à l'acte parce que ce sont des personnes souvent très dures et très volontaires et que c'est difficile effectivement de passer ce cap. Je pense que pour vous ça a été aussi... oui, parce que c'est aussi un statut social, c'est aussi... vous avez dit que vous étiez partie carrément de la région, carrément. Oui, oui, je suis partie de la région. Et oui, ce milieu agricole, en fait, moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on est un peu dans un... Il y a entre les agriculteurs des relations particulières, et le métier comme je le vivais à l'époque était... Vous voyez, par exemple, dans les années 90, on a dû mettre la ferme aux normes, quoi. Et comme tout le monde. Sauf que c'est un investissement énorme et qu'il n'y a pas de retour sur investissement sur ce genre de choses. Et ben, quelle entreprise fait ce genre d'action ? Si ce n'est que les paysans, on leur a obligé de faire ça. Comment voulez-vous ? Alors, on peut dire après que les paysans vivent subventionnés et tout. Ben, de toute façon, sans subvention, il n'y a plus de paysans. Et c'est vraiment les paysans. Pour moi, les paysans, ils sont en otage. Ils sont en otage avec des dirigeants, enfin des comment je veux dire, avec l'Europe, en fait. Ils sont pris en otage par des décisions, c'est un peu violent ce que je vais dire peut-être, mais par des décisions de personnes qui ne sont pas sur le terrain et qui du coup nous ont imposé des choses qui ne sont pas concevables dans la réalité de la vie. Quand on travaille avec le vivant, il y a des choses qui ne sont pas... Et du coup, on est obligé de modifier nos façons de travailler, nos lieux de travail, tout aseptisé, enfin. Et il n'y a plus... le paysan, il perd sa fibre paysanne, quoi. Il est devenu un producteur, Oui, il perd son humanité, il est devenu un produit qui produit. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est désastreux. Et les jeunes, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les lycées agricoles, mais en fait, j'espère qu'ils changent un peu leur façon de penser et leur façon d'agir et d'informer les jeunes par rapport à tout ce qui a été une époque où on a produit, on a vu qu'on pouvait avec des produits, ceci, cela, on enlève telle plante, tadada, et puis on a plein, la récolte est plus importante, on a des champs, ils sont beaux, enfin, le beau de cette époque, enfin, comme je l'entends, c'est pas une herbe, une mauvaise herbe, comme on dit, qui dépasse. Mais c'est fou, ça, maintenant. Je trouve que c'est fou, quoi. Le monde agricole, il est pris là-dedans, et ce qui fait qu'il en oublie que l'origine, c'est un paysan, quoi, qui travaille avec la terre, qui est de concert avec elle, et puis qui la respecte. Donc il n'y a plus de respect de la personne, et on lui demande de ne pas respecter la terre. En quelque sorte, c'est une double, on dirait, trahison. Bien sûr que le paysan, il donne son accord. Mais il est coincé, quoi. Il ne peut pas faire autrement, quoi. Il n'est pas respecté et on lui demande de ne pas respecter la terre. Donc on lui demande une double trahison. Oui, c'est une double peine, quoi. Voilà, de ne pas se respecter lui-même et de ne pas respecter le vivant. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et il en perd le lien avec le vivant. C'est ça qui est terrible. C'est la fameuse pression qu'il y a sur les agriculteurs, oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Nous allons faire une autre pause musicale avec Auriel, et un titre qui s'intitule « Chaussons et volupté ». Thank you. Bon, ce pan de vie étant une chose, maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de la question, c'est pas une question, c'est est le après. Donc, est le maintenant. Parce que quelquefois, nous on dit que c'est un mal pour un bien, ce que quelquefois des personnes ont de la peine à entendre. Par contre, dans tous les témoignages, on en arrive quand même là. Et pour vous, qu'est-ce que ça a été ? Pour moi, c'est la même chose, c'est sûr. Quand on vit les choses, c'est très difficile. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Et puis, c'est difficile à accepter. Et puis, on a toutes ces souffrances quand même du corps à accueillir. Mais quand on a fait tout ce chemin... Bon, moi, je suis passée aussi par à la rencontre du deuil et tout ça. Mais quand on a fait tout ce chemin, eh bien, au travers de ça... ça nous fait grandir, quoi. Et puis moi, je dis, c'est vrai que je suis du milieu, mais c'est un riche terreau, en fait. Parce que dans ce terreau, ben, bien sûr, il y a eu des souffrances, il y a eu tout ça. Mais à des moments aussi, il y avait comme des roses, il y avait quand même des moments joyeux. Donc, c'est un riche terreau, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes qui vivent ça maintenant. Et puis... Du coup, je me suis formée à ça, pour accompagner les personnes, et j'ai vécu dans mon corps les choses, ce qui fait que je peux aussi témoigner de ce que j'ai vécu, quoi. Et entendre aussi les messages au travers de ce que les personnes peuvent me dire, en fait. Et ça, c'est, pour moi, c'est quelque part une... Je renais à travers ça. Je renais à travers ça en apportant mon soutien. Mon soutien, ouais. C'est une utilité à une douleur d'une douleur passée. C'est une utilité qui est maintenant dans vos activités. Ben, je vous laisse peut-être nous expliquer vos activités. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur quel site? Et tout. Oui, alors d'ailleurs aujourd'hui, je m'appelle Joseline, cultivatrice de joie. Parce qu'en fait, c'est que j'ai envie de réveiller cette petite flamme intérieure qui n'est pleine que de joie, pleine que d'amour. Elle a juste besoin qu'on vienne lui redonner un petit peu d'espace pour qu'elle respire. Et puis voilà, petit à petit, elle va respirer de mieux en mieux. Et puis éclore, elle aussi, à son tour, quoi. Donc, voilà, donc j'accompagne les gens, les personnes, que ce soit des enfants, des parents, des enseignants, des éducateurs, des dirigeants, parce que je me suis formée aussi à accompagner tout ce monde-là, parce que c'est vraiment passionnant, en fait, l'être humain. Et puis, donc, j'organise aussi des week-ends où on va aller plus en profondeur et on va pratiquer, je vais faciliter selon une pratique qui s'appelle « Movement of Life », c'est-à-dire amener les gens dans la méditation, dans le retour au corps, et puis les inviter, en fonction de ce qui se dit dans le groupe ou d'un thème que j'aurais choisi, à rencontrer dans leur corps ce qui se passe quand elles posent ces mots à l'intérieur. Et moi, je mets des musiques choisies, et ça dure à peu près 45-50 minutes. Et puis à la fin de cette musique, eh bien... on se pose, on prend un temps d'intégration de tout ce qu'on a vécu, et il y a un temps d'échange. Et là, j'accompagne les personnes dans ce qu'elles vivent, quoi. Donc ça, c'est passionnant. Donc je fais ça sur des week-ends, je fais des retraites aussi sur 5-6 jours. Et c'est aller plus loin, c'est s'autoriser à se déposer dans un groupe. Et dans les groupes, c'est fabuleux, parce qu'il y a une magie qui opère. Parce qu'il y a une personne qui va dire ça, et curieusement ça fait écho chez une autre, et ainsi de suite, et là c'est très puissant pour tout le monde, quoi. Donc on est tous emportés, et j'adore faire ça, quoi. Oui. Oui. Et aujourd'hui, en fait, là je viens de terminer une formation qui s'appelle l'accompagnement à la parentalité consciente. Justement, en fait, j'ai fait cette formation pour devenir un parent pour moi. Comme je ne comprenais pas l'histoire avec mes filles et tout ça, ben j'ai essayé de voir, ben, si j'étais un parent pour moi, qu'est-ce qui se passerait après? Et ben là, je sens ce qui se passe, c'est que je suis en train de me détacher de mes filles et de les laisser vivre. Mais et tout en étant relié, il y a autre chose qui se passe, quoi. Et ben voilà, ça aussi. Donc j'ai commencé à rencontrer des enseignantes, et d'ailleurs il y a un groupe d'enfants qui vient demain ici avec les enseignants, et d'accompagner les enfants, parce que les enfants ils vivent aussi des traumatismes à l'école. J'ai été contactée pour ça, et du coup d'accompagner aussi ces enfants, les parents qui auront besoin, les enseignants, je suis en train vraiment de sentir tout ça et de sentir que je suis prête à tout ça, quoi. Et puis il y a ce livre qui m'est arrivé, l'histoire d'Abel, qui parle de ce jeune orphelin qui a perdu sa grand-mère. Du coup, il se trouve vraiment seul, il prend un sac à dos, il s'en va à Saint-Jacques-de-Compostelle, il en revient avec son sac, il voit du monde en passage, et puis décide de s'arrêter dans une ferme vosgienne. Et là, curieusement, la vie lui fait un cadeau magnifique, quoi. Et je vous raconterai pas toute l'histoire, mais voilà, il se découvre et il décide de se laisser porter par la vie, de suivre le mouvement. Et c'est ça, c'est aussi l'invitation, quoi, de suivre le mouvement de la vie, parce que en fait, la vie, elle sait ce qu'on a besoin à tel ou tel moment. Nous, on veut passer, on veut ça, mais oui, mais si c'est pas ça qu'on doit avoir. Et qu'on doit passer par quelque part ailleurs. Et en fait, ce que je peux remarquer, c'est qu'elle nous amène vraiment encore à un endroit beaucoup mieux, beaucoup plus juste pour nous, quoi. Donc, voilà. Et puis, l'invitation à ralentir, ben, c'est parce que justement, je vois mes filles qui sont aujourd'hui dans le système. J'ai une fille qui est agricultrice et qui est en même temps secrétaire de mairie. Et du coup, qui a une vie... Je la vois, sa sœur me dit « Mais maman, tu vois ?» Ben, je dis « Oui, je vois, mais ben oui, mais elle fait son expérience. » C'est ça. Et je ne peux rien faire. Sauf que, voilà, j'ai créé ce jeu pour leur donner une petite invitation. Là, et oui. Puis, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il est venu, ce jeu. Oui, voilà. Alors, justement, d'abord, je vais faire une aparté, mais importante. C'est Joseline. Or, que j'ai fait deux fois peut-être l'erreur. C'est donc Joseline, cultivatricedejoie.com, c'est oui, ça. Ça. Voilà, ça c'est important. Et vous avez créé donc un jeu qui s'appelle Ralentir. Aujourd'hui, invitation à ralentir. Aujourd'hui, invitation à ralentir. Très joli jeu d'ailleurs qu'on m'a offert. C'est comme ça que j'ai pu avoir... je dirais, les informations pour venir ici vous interviewer. Et donc, ça, c'est important. Et on retrouve sur votre site toutes vos activités et tout ce que vous faites, effectivement. Et donc, je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que ce « après » a été pour vous quelque chose de, je dirais, de constructif, salutaire. Oui, tout à fait. En fait, ce parcours de vie, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Parce qu'aujourd'hui, je me sens à ma place. J'ai trouvé ma place. Je me sens sereine par rapport à la vie. J'ai confiance en la vie. Donc, c'est tout ce parcours qui a fait ça, quoi. Oui. Merci beaucoup, Joseline. Cette fois, je fais attention. Merci beaucoup pour ce temps consacré. L'association Ralentir pour Vivre vous remercie. Et puis, nous vous disons une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewée aussi. Voilà. Merci, Joseline.